I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, c'est pas un billet de papier, c'est une pierre tombale. 6 000 otages, et c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas? Cette lutte avec le papier est vraiment très, très terrible. Épisode 11. Gwendoline. Alors là, on est dans mon salon. Ici, il y a ma bibliothèque principale qui est une bibliothèque que j'aime beaucoup d'abord pour son meuble. C'est du manguier et du fer forgé. Et l'une des difficultés depuis que je ne vis plus chez mes parents, c'était d'avoir un endroit qui puisse contenir beaucoup de livres et qui ne se déforme pas avec le poids des livres. Voilà, la bibliothèque IKEA, c'est très bien, mais malheureusement, elle se déforme avec le temps. Et quand je suis arrivée ici, quand j'ai déménagé pour ma mutation, j'ai voulu acheter une bibliothèque et je suis tombée amoureuse de ce meuble. Et effectivement, il tient, il est solide. Donc c'est un bel objet. Et donc j'ai d'autres bibliothèques que j'ai bricolées pour le coup parce que cette bibliothèque-là est assez chère. Et j'ai pas pu en acheter une deuxième, mais le projet c'est d'acheter la même. Et donc j'ai dans mon salon, il y a cette bibliothèque principale qui est un peu dans l'entrée du salon, et sur un autre mur il y a une bibliothèque qui est faite d'un meuble IKEA justement avec 8 cases noires qui contient principalement des livres de plus grand format, essentiellement des bandes dessinées, des livres associés à la peinture et tout le travail qui est en rapport avec la photographie. Puisque quand j'ai fait mes études, j'ai fait des mémoires en rapport avec la photographie, donc j'aime bien avoir ces livres sous la main. Au-dessus de cette bibliothèque, il y a des objets, donc il y a mon piano, il y a un tourne-disque, et des plantes et des livres qui sont exposés. J'aime bien le principe dans les bibliothèques traditionnelles, on va dire, d'avoir des livres qu'on met un petit peu comme ça en avant. Et étant donné que je fais de la photo et que j'adore les images, j'aime l'idée d'avoir des livres sous les yeux qu'on a envie quand on rentre éventuellement de feuilleter, de s'asseoir dans le fauteuil ou dans le canapé. Au-dessus, il y a des images encore, certaines qui sont tirées d'expos ou de livres que j'ai lus ou de revues. Donc ça, c'est un coin que j'aime beaucoup. Et il y a une autre bibliothèque. En fait, il y en a deux bibliothèques dans mon bureau. Comme je suis enseignante, j'ai une bibliothèque dite de travail. En fait, c'est pas une bibliothèque de travail. C'est-à-dire qu'il y a des livres scolaires, il y a des manuels, évidemment, que je cache parce que j'aime pas du tout avoir des manuels dans ma bibliothèque. Et il y a aussi tous les livres qui m'ont suivi dans mes études. Donc mes livres de prépa, mes livres de recherche et des livres à lire que j'ai pas encore lus, que j'ai envie d'avoir sous la main. Donc comme le bureau c'est un des endroits où je passe le plus de temps quand je travaille, il y a tous ces livres-là dans mon bureau. Voilà. Et dans mon idéal, un jour j'aimerais une maison avec une vraie pièce comme on les visualise dans les maisons de la Renaissance, avec une pièce entière avec des livres et une méridienne, enfin voilà, un endroit où il pourrait y avoir tout dans le même espace. Là, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas grave. Donc la bibliothèque principale avec le meuble dont j'ai parlé il y a quelques instants contient plusieurs étagères. Et la question du classement des livres est évidemment centrale pour tout bibliothécaire, enfin toute personne qui a une bibliothèque. Et moi je suis très visuelle, donc j'ai rangé ces livres par colonne pour la plupart, en tout cas quand j'aime bien que les livres soient de la même édition, j'aime bien que visuellement on ait l'impression qu'il y a une cohérence. Donc l'étage le plus haut c'est essentiellement mes livres folio, je pouvais pas faire qu'une seule rangée parce que sinon ça rentrait pas, donc j'ai fait plusieurs colonnes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 colonnes. Alors là, ça se voit pas parce que j'ai mis des livres en façade devant. Il y a aussi des photos, des cartes postales. En fait, ils sont aussi classés par couleur de vieillissement. Alors, c'est pas valable pour tous, il y a quelques exceptions, mais j'aime bien l'idée de vraiment cohérence colorimétrique. Ça fait un peu maniaque, mais j'avoue, je suis pas maniaque. Et aussi, bah, par exemple, il y a une collection Folio Essai, Folio Théâtre, et pareil, ils sont rassemblés ensemble tout à gauche, au milieu, il y a les folios classiques. Voilà, c'est l'ordre qui me convient le mieux. La deuxième colonne, c'est une colonne qui est rangée par livres noirs, donc les livres noirs parce que le livre est noir, mais aussi parce que c'est un peu des policiers, et c'est une collection que j'aime bien chez Flammarion. Et il y a quelques livres de sonatine, il y a des livres que j'adore là dans cette collection, notamment la collection, enfin l'ensemble des livres qui ont été écrits par un auteur anonyme qui s'appelle le premier, le livre sans nom, c'est juste génial, c'est un univers complètement fou. Ensuite il y a la NRF et ensuite il y a Minuit POL. Là, ces livres sont ensemble initialement parce qu'ils ont à peu près la même taille et aussi parce qu'ils ont une couleur de couverture particulière. La troisième étagère, alors là, ça commence à devenir n'importe quoi en termes d'édition. On a une colonne GF, une colonne et demie de points. Ensuite, c'est livre de poche. Et après, on a la NRF, mais version poésie, parce que c'est les autres NRF, c'est des formats plus grands. Et le dernier étage, bah là, c'est random. Il y a des livres scolaires, parce que j'ai pas la place dans mon bureau d'avoir tous les livres, toutes les éditions scolaires avec lesquelles je travaille. Et puis il y a des essais, de la philosophie, la collection telle que j'aime bien aussi. Voilà, donc ça correspond pas du tout à ma bibliothèque idéale parce que c'est rangé n'importe comment, mais c'est des livres que j'aime bien avoir sous la main. J'ai parlé de l'autre bibliothèque qui est donc noire, là c'est essentiellement donc de la bande dessinée. La bande dessinée, en fait, comme c'est des cases, j'ai rangé un peu par thème, plus ou moins. Donc il y a à gauche tout ce qui est, en bas à gauche, tout ce qui est un peu en rapport avec la question du féminin. D'ailleurs, il y a des BD qui sont pas rangés au bon endroit. J'ai mon petit frère qui est venu chez moi, il a lu des livres. Et à droite, c'est plus tout ce qui est en rapport avec l'imaginaire. Et après, comme j'ai dit, le reste, c'est essentiellement de la photo et de la peinture. Et un peu du cinéma, on aperçoit derrière les DVD qui, hélas, n'ont plus d'usage parce que je peux plus les regarder actuellement. Mais ils ont chacun leur histoire et je les garde. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ces deux bibliothèques. Et dans mon bureau, là, pour le coup, c'est pas du tout rangé parce que... Enfin, si, il y a pareil un meuble à 8 cases... où il y a les livres qui sont classés par thème de recherche. Quand je faisais de la recherche en littérature, en master, il y a mes livres de prépa, notamment prépa Agreg et Hippocagne et Cagne, qui sont là vraiment pas du tout rangés, parce que c'est pas possible de ranger ça. Mais voilà, il y a les cases. Chaque case est son époque. Et puis j'ai une autre petite bibliothèque de bureau dans laquelle il y a tous les livres qui me font réfléchir en ce moment et ou avec lesquels je travaille très régulièrement, notamment pour mes élèves dans l'année scolaire. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette dernière case des livres actuels? Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve des livres que je suis en train de lire pour préparer l'année scolaire. Donc notamment, là il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle « Je ne sais pas ». Pas quoi faire des gentils blancs de Brit Bennett, parce que je cherche des lectures cursives pour mes élèves de première sur le thème écrire et combattre pour l'égalité. On y trouve aussi, je crois que c'est Une colère noire, alors je me souviens plus de l'auteur, mais c'est pareil, c'est un texte pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la condition noire aujourd'hui et pourquoi c'est important d'avoir un regard de quelqu'un qui est noir et qui subit ces discriminations-là. Il y a aussi Le Maître et la Marguerite. Ah, j'ai encore oublié le nom. Oh. Boulekoff. Oui. Voilà. qui est un livre que m'a offert mon copain. Parce que j'ai très peu lu la littérature russe et qu'il trouve que c'est absolument inadmissible. Et donc il m'a offert ça et le journal d'Outre-Tombe, Non. Carnet de cave. Il y a un truc, c'est pas Tchekhov. Dostoïevski. Oui, Dostoïevski. Les carnets du sous-sol. Voilà, les carnets du sous-sol. Pareil, il y a trois traductions différentes du titre. Voilà, donc les carnets du sous-sol. Et ben ça, c'est pareil, c'est des choses que je vais lire, mais que je ne lis pas encore. Il y a quoi d'autre? Il y a tous les livres du programme de cette année. Il y a les livres que j'ai lus en rapport avec la musique pour le thème des BTS, puisque le thème des BTS, c'est de la musique avant toute chose. Donc j'ai lu la contrebasse. Il y a la musique et l'ineffable. Voilà, en gros, ce qu'il y a par là-bas. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah oui, je voulais absolument parler de ça. Il y a un cours au Collège de France qu'on peut écouter sur Internet qui s'appelle Les bibliothèques invisibles. Et c'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé quand j'ai réfléchi à cette rencontre qu'on fait aujourd'hui, toi et moi. C'est William Marx, qui est un écrivain, et qui explique que quand on a une bibliothèque, il y a toujours une bibliothèque invisible, qui est une bibliothèque des livres qu'on a lus, mais qu'on n'a pas, mais qui sont là dans notre tête, et éventuellement une bibliothèque des livres qu'on va acheter, ou qu'on aimerait avoir, ou qu'on a perdu. Et je trouve que c'est une idée assez géniale et qu'on a tous à l'intérieur de soi et dans sa tête une bibliothèque invisible énorme. Voilà, donc la bibliothèque invisible, je ne peux pas faire la liste de toutes les choses que j'aimerais, enfin qui y figurent, mais par exemple, l'une de mes plus grandes frustrations, c'est que j'ai été très très grosse lectrice plus jeune, au collège et au lycée, au point que... mon documentaliste de l'époque, que je salue chaleureusement, avait imprimé à la fin du collège la liste des livres que j'avais empruntés et lus. Certains livres, je les avais empruntés plusieurs fois, même si je ne suis pas très grosse relectrice, mais quand même. Et il y avait plus de 2500 livres, en fait. Et ce qui est terrible, c'est que aujourd'hui, bah, je suis professeure de français et je lis beaucoup moins, voire très très peu, et voilà, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi, c'est de me dire qu'il y a tous ces livres dont je me souviens pour certains, pas tous, mais qui sont là et qu'il n'y a pas de traces à part cette liste, évidemment que j'ai gardée, mais et des conseils que je vais donner à des élèves qui me demandent des conseils de lecture, et j'aime beaucoup la littérature jeunesse ou la littérature pour adolescents, je trouve qu'on n'en fait pas assez la promotion, qu'on n'en parle pas assez. Et donc, dans ma future maison, où il y aura une grande bibliothèque, il y aura évidemment une bibliothèque littérature jeunesse et littérature adolescente. Voilà. Donc, c'est intéressant de prendre le temps de réfléchir à si on devait avoir une bibliothèque invisible, quel livre y figure, en fait, et pourquoi c'est pas dans notre bibliothèque réelle. Mayakovsky, écoutez. Écoutez. Puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires. C'est que quelqu'un désire qu'elles soient. C'est que quelqu'un dit perle, c'est crachat. Et, forçant la bourrasque à midi des poussières, ils foncent jusqu'à Dieu, craint d'arriver trop tard, pleure, baise sa main noueuse, implore. Il lui faut une étoile. Jure qu'il ne peut supporter ce martyr sans étoile. Ensuite, il promène son angoisse. Il fait semblant d'être calme. Il dit à quelqu'un « Maintenant tu vas mieux, n'est-ce pas? T'as plus peur? Dis. » Écoutez, puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires. C'est qu'il est indispensable que tous les soirs, au-dessus des toits, se mettent à luire seule au moins une étoile. Tu as des livres qui sont mis en avant dans ta bibliothèque et qui sont devant. Donc mm-hmm. tu les as mentionnés en tant que livres qui sont justement qui font une petite devanture. Mais t'as pas dit quels étaient les livres et pourquoi ces livres-là? C'est une bonne question. Alors, Je vais commencer par le livre qui est dans donc le livre jaune, là, Les pensées de Pascal. Ça, c'est un livre qui est mis en avant parce que c'est grâce à ce livre que j'ai eu l'agrégation. Et c'est vraiment... c'est incroyable au sens vraiment de... C'est pas croyable que ce soit ce livre-là qui m'ait fait avoir l'agrégation. D'abord parce qu'à la base... Pascal, j'y allais vraiment à reculons. C'est un livre qui est complètement fou. Enfin, c'est énorme. En plus, quand on lit, on comprend rien. Enfin, on comprend. On est dans très souvent, on comprend pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de références, c'est de l'écriture fragmentaire. C'est très déboussolant comme lecture. Et en fait, on y trouve plein de choses, quoi. Alors. C'est un livre, là ça se voit pas, mais j'écris, il est très annoté, très surligné. J'aime beaucoup écrire sur les livres, je les travaille comme ça. Et surtout, quand on lit un livre, il y a des idées qui nous viennent. Et c'est terrible parce que bah, ces idées, une fois qu'on a fini de lire, en fait, souvent elles s'en vont. Donc j'aime bien écrire sur les livres et j'ai beaucoup, beaucoup écrit sur Pascal, autour de Pascal. Et souvent, en fait, pas du tout dans la direction initiale qu'on imagine. Pascal, c'est un penseur, c'est quelqu'un qu'on utilise beaucoup pour réfléchir aussi sur la religion. Moi, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de poésie dans Pascal. Alors, il y a plein de gens, hein, je n'ai pas inventé l'eau chaude, il y a plein de gens qui voient la poésie dans Pascal, mais c'est vraiment ce qui m'a touchée, c'est cet aspect très poétique, et en même temps, ben, c'est touchant de sentir la détresse de l'incroyant, et en étant athée moi-même, il y a des moments qui me touchent pour ce que ça dit. Voilà, donc Pascal est en avant parce que je crois que n'importe qui peut prendre du Pascal, le feuilleter n'importe comment et trouver quelque chose à prendre qui va soit le faire rire. On avait, j'ai un ami avec qui j'ai préparé la grec, on se bidonnait en s'envoyant des passages what the fuck de Pascal, tu vois. Il y a un endroit, il dit courir après les fumées. Et c'est pour désigner cet aspect complètement absurde de l'existence. Et voilà, Pascal, c'est génial pour ça. Tu trouveras toujours quelque chose où tu te dis pourquoi. Il y a un endroit, une citation, c'est talon soulier. T'as comme ça, talon soulier. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Et voilà, c'est drôle. Hop, déjà, j'ai pris l'habitude, souvent au début des livres, je mets les citations que j'ai envie de garder, quoi. Et après, tu vois, il y a un système de couleurs. Mes élèves le savent, je suis une psychopathe du stabilo parce que j'aime bien organiser mes idées et quand je travaille un livre, j'organise par entrée thématique pour la grecque. Si tu fais pas ça, c'est compliqué quoi de garder une trace, de choisir des citations pour les dissertes. Et donc souvent j'écris les citations au début avec la page pour pouvoir retrouver, relire. Et puis après, je corne les pages, hein. Parfois il y a des petits post-it, et ouais, c'est rigolo. Donc c'est un livre qui est travaillé, et j'aime bien ça dans mes livres, parce que t'as l'histoire du livre, et j'aime bien ça chez les autres aussi. C'est génial d'arriver dans une bibliothèque, de voir un livre qui a été trituré dans tous les sens, et de prendre contact, non seulement avec l'auteur, mais aussi le lecteur qui a fait son parcours et qui rajoute ces choses-là. Donc il y a des gens qui détestent ça, moi j'adore ça. Voilà, Pascal. Et aussi, y a des traces, par exemple, quand on prépare la grecque, on fait des leçons. Donc une leçon, c'est un thème, une citation, une problématique. Et là, par exemple, c'est très rigolo de retrouver en vert et en orange... les restes de mes leçons que j'ai fait sur Pascal, les souvenirs. Et par exemple, dans la bibliothèque invisible, même si c'est pas une bibliothèque invisible en soi, mais c'est en rapport avec cette idée-là, je me souviens très nettement de mon oral d'agrég sur Pascal. J'ai fait une explication de texte. Et voir ce livre, ça me rappellera toujours ce moment où c'était pas ce livre-là, mais c'était un extrait. Et voilà, il y a cette expérience-là qui revient. Et ça... voilà, des souvenirs. Voilà pour Pascal. Je peux te lire les premières citations que j'ai retenues. Voilà. Bah justement, je te parlais de courir après les fumées. C'est la deuxième citation. C'est dans le fragment 78. Se lever en sursaut pour aller courir après les fumées. Voilà, ça, je trouve ça assez génial. Et voilà, pareil, un passage très, très poétique où, en fait, il parle du divertissement. Travailler pour l'incertain, aller sur la mer, passer sur une planche. C'est complètement... C'est furieux. Voilà, Pascal. Anne-Marie Garra, Le Grand Nord-Ouest. Elle voulait que je l'écoute. « S'il te plaît, Bud, » disait-elle. Il ne me plaisait pas tellement. « C'est trop tard, Jessie, » ai-je pensé. Tant de gens qui cherchent une oreille tombent sur la mauvaise, indifférente, stupide, paresseuse ou malveillante. Autant jeter sa pierre au puits. Rare est l'oreille disposée à entendre, incrédule par intermittence, mais réceptive, inquiète et puis captive, comme d'un livre ouvert par hasard qu'on ne lâche plus une fois commencé. Cela dépend d'une qualité d'attente, d'une vacance de l'esprit, et aussi du narrateur, de sa voix, de la façon dont il raconte. Cette fois-là ou une autre, il ne dirait pas la même chose. Sa version pourrait varier, s'altérer, bifurquer vers une autre destination. Mais nul ne peut le contredire, rectifier ou infléchir le cours inexorable du récit qui prend, au fur et à mesure, sa forme définitive. Irréparable et fictive, irréparable et fautive, et tant pis pour toi. Je t'écouterai si tu me convaincs, si tu me blesses, si tu me guéris. Cela dépend de ta passion, de ta fièvre ou de ta peur. Tant de choses sont possibles qu'on ne peut entendre et d'autres incroyables qu'on accepte pour vrai. Mais t'écouter ? Pourquoi moi ? Pourquoi viens-tu si tard, me disais-je ? Une question de mauvaise foi devancée par la réponse. Elle a besoin de toi parce que tu t'es abstenu de dire ce que tu savais ou croyais savoir. Tu es celui qui, au lieu d'intervenir, a opposé son dos lâche et muet, de qui l'opinion, le point de vue ou la vie reste suspendu à son silence, à son vieux remords. Tu es plus que redevable ou même impliqué, tu es compromis. Voilà pourquoi tu es la meilleure oreille. Cela n'avait pas été formulé, je ne me l'étais pas encore dit à moi-même, mais dès l'instant où je tournais le dos et qu'entre mes épaules s'élançait l'inflexible flèche lente et rapide, j'étais d'accord pour l'écouter. Je transcris son récit de mon mieux, en m'y tenant jour après jour. Mais ce souvenir et inventer, raisonner et rêver n'ont pas beaucoup de différence. Certaines de ces phrases persistent telles quelles, mot pour mot semble-t-il. À défaut, j'en forge qui ressemble, du moins à mes yeux, et qui viendra me démentir. Dès que relaté à l'oral ou couché par écrit, rien d'authentique n'est garanti. Rien n'est pur ni ressemblant, quel que soit le degré de loyauté déclarée ou d'insincérité assumée. S'y mêlent les manigances de l'oubli ou de la fiction, et pour finir, l'imposture. N'excluons pas le facteur sentimental, il faudrait s'abstenir de raconter. Sachant que c'est inexcusable, fautif et inexcusable, il faudrait laisser à leur inachèvement les êtres, les choses et les actions du passé, à leur silence et leur tourment, ne pas les agiter et les obliger à comparaître pour nous rendre raison. Et pourtant, j'écris. Les autres livres qui sont en façade, alors il y en a deux qui sont des livres que j'ai empruntés au lycée, que j'ai pas encore rendus, qui sont pareil des lectures pour préparer les cours. Il y a la Nuit des Orateurs de Rédi Kadour. Alors ça c'est très très bien, on est dans la peau de je sais plus quel personnage historique, je crois que c'est Sénèque. Et on est dans un moment de complot et on voit les relations entre les personnages et on plonge dans l'Antiquité et je trouve ça très sympa. Ça c'est pour mes HLP. En bas on a une anthologie du poème japonais, les herbes m'appellent, pareil que j'utilise pour réfléchir sur les formes poétiques avec les secondes. Donc ça c'est des livres que je suis en train de lire, que j'ai un peu lus, qui sont là juste pour me rappeler qu'il faut que je les lise. Ensuite, on a Le cœur en papier de Willem Ardoin. Il se trouve que Willem est un ami à moi et que c'est son premier roman. Et d'abord, je trouve le titre très très beau. L'image est très belle aussi. On a une sculpture recouverte de neige d'un, semble-t-il, un enfant qui... je vois pas très bien. Attends. Voilà. Ce sera plus simple comme ça. Donc, c'est... je me demande si c'est pas lui. Oui, si, c'est lui. En fait, je suis pas sûre. Mais je crois que c'est Willem, mon ami, qui est en posture, comme ça, comme une sculpture, avec un environnement, avec de la neige. Voilà, donc Le cœur en papier, et ça c'est pareil, c'est un livre que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, parce que j'ai pas pris le temps de le terminer encore, et que j'aime bien prendre le temps de lire et de savourer les choses, et voilà, j'ai pas fini. Mais c'est un livre que je veux continuer à lire, et donc qui est de cette amie, et qui parle justement de la lecture, du rapport à la lecture, voilà. Ça c'est une série de photographies et des textes autour de Marilyn Monroe, qui est une figure que souvent qui est une icône, une femme enfant, une femme fatale, et en fait ça parle de sa vie, ça parle, il y a quelques écrits aussi, il y a des photos, et c'est un personnage que je trouve fascinant, et j'aime bien la photo de couverture, parce que donc c'est une photo où elle est toute blanche avec son rouge lèvres et sa mouche, évidemment, et en même temps elle a l'air très très fragile, donc j'avais envie de la voir pareil dans ces livres qui sont blancs, ça va avec le reste, et en même temps je trouve ça toujours beau d'avoir en plein milieu des livres ce regard qui t'accroche, et bon, voilà, ça me donne aussi envie de le feuilleter. Ça c'est Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail. Ça c'est un livre que, comme tu vois, il est neuf, c'est aussi un livre à lire. J'ai travaillé des passages cette année avec les élèves, j'ai fait une séquence en BTS en culture générale sur le travail et qu'est-ce que c'est que le travail, et J'ai trouvé le texte génial, en fait, parce que ça, c'est la personne se met à faire un travail manuel alors que c'est pas une personne manuelle initialement, et il explique ce que ça lui fait, et voilà, je me suis dit que j'avais envie de le lire, donc ça fait partie encore des livres en façade qui sont là aussi pour dire ne m'oublie pas, je suis là, lis-moi. Voilà. Marcus Hönig, Continuez d'aimer. Le premier tiroir de la commode contenait des couches à enfiler. Sans s'occuper de la présence d'Annie, Philippe fit tomber sa robe de chambre, enleva son slip et enfila une couche. « Voilà la couche !» dit-il doucement. Philippe resta prostré devant la commode. Il grelottait. Annie tira le deuxième tiroir pour voir. « Ah oui !» fit Philippe. Il ouvrit une petite boîte, passa son pouce sur son œil droit, retira un objet de l'orbite et le posa dans la boîte. « On peut le laver que demain, il a dit Cassian. » Philippe referma le tiroir et resta immobile devant la commode. Annie jeta un œil sur le lavabo. « Tiens !» Elle lui tendit une nouvelle boîte. Philippe la posa sur la commode et retira ses dents. Instantanément, son visage s'affaissa sur lui-même. perdit toute forme, comme un amas de chair molle. Ses dents tenaient l'ensemble. Philippe voulut encore dire quelque chose, mais ses paroles étaient incompréhensibles. Il s'allongea dans le lit froid, vêtu de sa seule couche, et fit un petit signe de la main à Annie. Elle ne trouvait pas de mots. Elle ne savait pas non plus si le cérémonial de la quincaillerie, comme l'appelait Vicky, était terminé. Elle effleura l'interrupteur et ferma la porte derrière elle. Dans ma bibliothèque, il y a pas mal de théâtre. Quand j'étais plus jeune, avant de devenir enseignante, je voulais être comédienne. Donc j'ai lu beaucoup de théâtre. J'ai joué aussi un peu de théâtre. Et dans les livres que j'aime bien avoir sous la main, qui sont dans mon bureau, il y a « La nuit juste avant les forêts » de Goltès, qui est ma première rencontre avec un livre avec une écriture qui est étrange, parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait quand on lit « La nuit juste avant les forêts ». On commence, déjà on a ce tutoiement qui nous arrive en plein la figure et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me prends des coups de poing comme ça par l'auteur. C'est un texte que j'ai travaillé en école à la Comédie de Valence. On avait chacun un passage à travailler et je pense que ce livre il a été le début de tout un tas de questionnements sur la littérature et sur ce qui me touche dans la littérature. Et voilà, il est complètement déchiré parce que je l'ai beaucoup travaillé, il a traîné, enfin il est dans un état lamentable, le pauvre. Mais ça fait partie des livres que j'aime bien avoir proche de moi. Et donc là, il y a beaucoup de théâtre, j'ai lu La Garce. Il se trouve que j'aime pas beaucoup le théâtre de La Garce, je préfère son journal qui est là et pareil que j'ai beaucoup annoté et lu pendant les vacances. Il y a évidemment Camus, j'adore Camus, notamment Caligula, qui est une pièce que j'ai dû lire et travailler 4 ou 5 fois. Qu'est-ce que j'ai en théâtre qui est... Il y a Laurent Godet et Wajdi Mouawad. Alors Mouawad, Incendie, toute la tétralogie du sang des promesses, et je trouve ça très très beau. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Mouawad. Voilà, donc j'ai parlé de Coltès et donc j'étais en prépa à Avignon. J'ai fait une prépa option théâtre. Et quand j'ai fait cette prépa option théâtre, j'ai rencontré une professeure formidable qui m'a donné finalement envie d'enseigner. Mais dans l'ordre, comment ça s'est passé, c'est que je suis partie en prépa en me disant je vais devenir comédienne, mais je vais quand même me faire une formation en lettres solide. J'ai étudié et pratiqué le théâtre énormément pendant ces 2 ans. J'ai passé les concours de théâtre et en même temps que je faisais tout ça, j'étais pas tout à fait à l'aise avec mon corps, mon image. C'était une période où bon, on est encore adolescent à 18-19 ans. Et donc, je me suis dit que j'allais poser en tant que modèle pour essayer de... comment dire, de... J'ai pas le mot qui me vient. De dompter mon image et d'arriver à m'accommoder de celle-ci. Et donc, j'ai commencé à être modèle photo. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a normalement quelque part, mais ça doit être dans la partie photographie, ou alors il est là. Il y a un livre qu'on m'a offert, et c'est une personne pour qui j'ai posé, qui était un sculpteur qui me l'a offert, et qui parle de Mayol en fait, parce que j'ai posé pour lui, donc j'ai fait des photos normales, et j'ai fait aussi du nu. Et il trouvait que j'avais le corps des femmes que sculptait Mayol. Donc il y a un sculpteur, donc voilà, ça c'est un livre qui traîne et qui a lui aussi sa petite histoire. Et alors, donc, en tant que modèle photo, en fait, ça me convenait pas très bien, parce qu'il y avait des photographes qui faisaient des photos, mais ça me plaisait pas du tout. Enfin, j'aimais pas ce qu'ils faisaient. Et c'était pas moi le problème, c'était l'image le problème. Et un jour, un photographe qui était très très sympathique m'a dit mais puisque tu râles, bah tiens, je te mets un appareil dans les mains et puis va faire des photos et après on en reparle. Et ça, ça a été le point de départ d'un bouleversement qui est que bah, j'ai commencé à ne plus vouloir être devant la scène et sur l'image, mais à accompagner et à mettre en scène et à encadrer et prendre en photo. Et c'est vraiment le moment où tout a commencé en photo pour moi, où j'ai commencé à être photographe et j'ai commencé à m'intéresser à la mise en scène et aussi à l'écriture de théâtre, même si j'ai pas écrit de pièce, mais voilà, c'était intéressant. Donc j'ai basculé de l'autre côté et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'en fait enseignant c'est génial parce que bah, un enseignant il fait quand même un peu le spectacle. Mais l'avantage qu'il a, c'est que bah, il a un public qui est là tous les jours, il est fidèle au poste. Il applaudit pas tout le temps. Mais aussi, un enseignant, ça peut être un peu comme un metteur en scène qui guide. Et ça, ça se retrouve dans la photo, dans l'écriture et dans l'enseignement. Et c'est génial. Et donc, à partir de tout ça, en est venue une période où j'ai travaillé en recherche sur les textes hybrides. Donc j'ai fait mon master 1 de recherche sur Olivier Cadio, qui pour moi est la suite à la fois logique et complètement inattendue de Coltès, parce que c'est un auteur qui a une écriture, on n'arrive pas à dire si c'est du roman ou si c'est du théâtre, c'est une écriture monologique. J'ai beaucoup travaillé sur la question de la forme du monologue qui n'est pas vraiment intérieur chez Cadio. Et voilà, ça c'est par exemple un auteur que j'ai découvert donc à Avignon en 2010 au moment du festival. C'est ma professeure Madame Olivier qui m'a mis ce livre dans les mains. Elle m'a pas mis celui-là d'ailleurs, elle m'en a mis un autre. Elle m'a mis Retour définitif et durable de l'être aimé dans les mains. Elle m'a dit, lis ça, c'est génial, tu veux travailler sur les questions du monologue, sur la frontière entre le théâtre et le roman, c'est exactement ce qu'il te faut pour ton mémoire. Il se trouve que j'étais à Avignon, il se trouve que c'était le Festival d'Avignon, il se trouve que Olivier Cadio était artiste associé et que je me retrouve, grâce à ma professeure, invitée dans le festival IN, dans le bar du IN, et que j'en viens à discuter avec Olivier Cadio et il me file son numéro, il me dit bah, « appelle-moi, on va travailler ensemble ». Et donc ça c'est dans la petite case là-bas où il y a les livres de photos, là où il y a Calcutta et compagnie, il y a mes mémoires aussi et mon mémoire de Master 1 je l'ai fait uniquement sur l'œuvre d'Olivier Cadio, sur 7 livres, donc bon c'est pas il y a des mémoires qui travaillent sur un seul livre, moi je travaille souvent sur plusieurs œuvres en même temps et c'était une expérience vraiment formidable De pouvoir travailler sur un auteur vivant, de pouvoir... on a fait des séances de travail où je venais, j'avais des questions, il répondait, je pouvais créer des entretiens et m'en servir pour mon mémoire. Donc ça, c'est vraiment une expérience géniale. Donc mon mémoire est dans ma bibliothèque et les livres de Cadio sur lesquels j'ai travaillé, ils sont tous dans la collection POL. Et voilà, ces livres sont pleins de cette expérience-là, de ce moment assez rigolo. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé donc, sur la forme du monologue et sur ce jeu qu'il y a dans les livres. Et j'adore ça en fait, je trouve ça génial de se dire, quand tu lis un livre, tu deviens autre, tu deviens l'auteur, mais si l'auteur devient quelqu'un d'autre, bah, tu deviens quelqu'un d'autre avec lui. Et en même temps, à chaque instant... ça t'aide à comprendre qui t'es, à mettre des mots sur certaines des pensées que tu as et que tu n'avais pas formulées clairement. Et voilà, ça c'était chouette pour ça. Et si je fais le lien de Cadio, après j'ai fait... donc là, il y a un mage en été qui est vraiment... mon livre préféré de Cadio, d'abord parce que je l'ai vu mis en scène. Alors c'est tellement fou en fait de lire un livre et de voir une mise en scène, et avec le comédien qui s'appelle Laurent Pointe-Renaud, qui est exceptionnel. Et en fait c'est un livre avec des images. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que bah, souvent les livres avec les images, on croit que c'est pour les enfants, mais pas du tout. Et voilà, c'est ça que je vais te montrer. Donc là, je suis en train de te montrer une page qui commence avec « Et ça, c'est quoi ?» Là, il y a une photo avec une paire de lunettes. Et le texte continue « C'est reposant, on dirait un reliquaire ». Et alors ça a vraiment été le début de mon deuxième travail de Master 2 où je me suis dit, mais en fait, on peut faire tellement de choses entre le texte et la photographie qui sont autre chose que de dire l'illustration ou le document. Et donc mon deuxième mémoire, et beaucoup de livres dans cette bibliothèque-là sont en rapport avec ça, réfléchit sur cette forme qui est vraiment très nouvelle, qui est hybride, et où il y a du texte, il y a de la photographie, on n'est pas dans la légende, on n'est pas dans le rapport d'illustration, et il y a des choses qui se passent qui font que dans ta tête, il y a une histoire qui se raconte dans le dialogue entre le texte et l'image. Et bah moi, j'écris un petit peu, je fais de la photo, donc c'est pareil, c'est des choses que j'ai explorées dans ma pratique personnelle, on va dire. Et voilà, donc c'est-à-dire que On part de Coltès, de c'est rigolo ce livre qui nous parle et on sait pas, on a l'impression d'être dedans. On va à Cadio et à cette chose assez incroyable chez Cadio où il y a un jeu qui est à la fois un vrai personnage et en même temps qui pourrait être tout le monde. Et on se retrouve à des œuvres qui dialoguent les unes avec les autres. Et j'aime bien les livres et les œuvres d'art en général qui rentrent pas dans une seule case et qui nous étonne. Olivier Cadio, Un mage en été. Prenons un moment de détente comme elle. Oh, je sais très bien imiter qui je veux si ça me chante. Tout va bien, j'ai reçu son empreinte. Je me détends. Je me ralentis. Ça fait des vagues douces autour avec des reflets étincelants. Ah, je suis vraiment malin. J'aime reconstituer le mouvement de l'eau. C'est à la fois immobile et rapide. Il faudrait faire un dessin. Un point, une croix. X in the river. Et de chaque côté, des lignes ondulantes pour figurer le courant qui la contourne. Il faudrait une autre croix pour dire où je suis placée dans la scène. Comme dans ce livre où un auteur, pour mieux raconter son enfance, dessine sa chambre à la plume et écrit « moi » dans un coin pour dire qu'il est là. Disons que je plane un peu. À force de me projeter, je me diffracte. Je suis dans les herbes. Comme si on avait répandu mes cendres sur un paysage, ici, là, partout, je suis dans l'herbe. Dessinons un moulin. La dynamique des fluides, regardez, l'eau tourne et, avant de s'engouffrer dans le trou noir des vannes, semble immobile. Et on voit, comme à travers un bloc de glace, mais ce n'est pas froid, c'est comme de l'huile, de l'eau épaissie qui ralentit tout. Un bloc transparent, une loupe, on voit le fond. Sable d'or au fond. On entre par le dos des choses pour les surprendre. Si une image est un immeuble, vous entrez pour une fois par la porte de service. À force d'illumination, je suis devenu voyant. Je suis bien réglé, j'ai suivi les consignes à la lettre. J'ai de l'expérience, j'ai des heures de vol. Je m'exerce. Hop, à la force du poignet, à la volonté. C'est simple, je me retraverse certaines scènes tellement de fois, comme on répète à l'infini un geste. On passe dans l'air, profilé. On fait rentrer les êtres et les choses en forme de ce qu'on veut, comme ça. J'ai un œil qui entre sous l'eau quand on plonge, un œil à la bonne distance, comme les lentilles qu'on choisit pour regarder les animaux, à la bonne distance. On ne les voit pas nous voir, on ne croise pas leurs regards, on se mire dans la sphère vide de leurs yeux. On est seul avec eux. C'est ça qui me plaît chez X. On pourrait être seul ensemble. Je peux éprouver la marbrure de son corps, son poids et sa douceur exacte. Je veux voir sa peau verte sous l'eau. Je veux sa peau. Je veux cohabiter en douceur, nager de concert. Il y a plein d'autres livres dont il y a des histoires, en fait. C'est... Est-ce que tous ceux que tu laisses dans ta bibliothèque, c'est tous ceux que tu as aimés? Ou est-ce que si tu les as, tu les gardes et de toute façon, ils restent dedans, même si tu les as peu appréciés? C'est une bonne question. Alors déjà, il y a des livres que j'ai pas lus dans ma bibliothèque. J'ai eu un moment où j'emmagasinais des livres parce que j'avais l'impression que ça me donne du... Enfin, du poids, c'est pas du poids, mais tu vois que ça m'ancre. C'est drôle, jeu de mots. Mais ça rend solide. Ça... C'est comme des bagages qui te font dire ça va t'être accompagné, quoi. C'est rassurant. Je me dis que, tu vois, si demain j'ai un accident et que je peux plus bouger, bon, bah, j'aurai quand même des livres à lire. donc, il y a des livres que j'ai pas lus. Il y en a, on va dire... 25%, ce qui est déjà énorme dans une bibliothèque, 25% de livres ont lu. Y a des livres que j'ai lus qui m'ont pas renversé, tu vois, que je garde parce que je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose dans un livre. Par exemple, est-ce que t'en as un auquel tu penses Un livre qui m'a pas renversé? Dénonçons. Un livre qui m'a pas renversé, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein. Déjà, par exemple, Balzac. Je trouve ça chiant à mourir, Balzac. J'ai essayé plusieurs fois de lire La femme de 30 ans, que j'ai commencé, je pense que j'ai lu bien la moitié, mais j'y arrive pas, je rentre pas dedans. Et je le garde quand même au cas où. Sait-on jamais. Deuxième lecture. Mais c'était pas renversant, quoi. Est-ce qu'il y a un livre que j'ai détesté que j'ai gardé? Je pense pas avoir gardé de livre que j'ai détesté, mais je me souviens pas d'avoir lu un livre que je déteste. Enfin, il y a des livres... Là, par exemple, j'ai un livre qu'un petit copain, il y a très longtemps, m'a offert, qui s'appelle Le Livre du Plaisir, qui est une anthologie de textes un peu érotiques. Je trouve ça intéressant, la littérature érotique, mais ça me bouleverse pas, quoi. Ça me laisse un peu indifférente, ça me fait pas palpiter. Y a quoi d'autre qui est pas fou? Il y a les éditions scolaires, pareil, parfois on te propose des trucs à travailler qui sont pas fous, mais là c'est des livres qui sont du coup dans mon bureau que j'ai mis un petit peu dans la bibliothèque en bas, des trucs qui sont qu'on lira peut-être un jour si vraiment on n'a pas le choix. Mais sinon, je pense que j'ai vraiment gardé tous les livres que... Ah bah par exemple, ça, alors ça, il faut pas que mon père écoute ce truc. Ça, c'est un livre que je veux pas lire en fait du tout, mais que je garde parce que c'est un cadeau. Mais c'est difficile d'offrir un livre, hein. On m'a pas offert beaucoup de livres. Ceux qui m'ont offert des livres en général, ils m'ont offert des BD. Alors ça, j'adore les BD, j'adore, j'en ai vraiment pas assez. Faut savoir que cette bibliothèque, c'est un ersatz de ce à quoi ressemblait la bibliothèque de mes parents. Et mes parents, ils ont deux bibliothèques grandes comme ça de bandes dessinées. Mais que des bandes dessinées, donc énormes. Et donc j'ai un vrai complexe d'infériorité concernant la taille de ma BD-tech. Et donc voilà, en général, les gens m'offrent des BD parce qu'ils savent que j'aime bien. J'ai une amie qui m'offre à chaque fois des BD géniales et elle est exceptionnelle pour ça. Et elle a une bibliothèque qu'il faudrait un jour, si tu sais pas quoi faire, que tu ailles la voir, mais elle habite un peu loin. Elle habite en Ardèche. Mais elle a une très très grande belle bibliothèque de BD et pas des Tintins et des Spirou, quoi. Des livres qui sont des voyages. Et donc mon père, lui, m'a offert ce livre qui s'appelle 20 ans et au front, donc qui parle C'est un témoignage sur des jeunes donc, qui sont au Front National. Et j'ai vraiment pas envie de mettre mon nez là-dedans, quoi. Et pareil, il m'a offert un autre que j'ai commencé à lire, mais que j'ai arrêté parce que c'était trop dur. C'est un folio. C'est pas ça va mieux, c'est... Désolée, je cherche. Je crois que c'est tout s'est très bien passé, mais je ne le trouve pas. Il doit être dans mon bureau aussi. Pourquoi j'ai détesté ce livre? Ah si, il est là. Ah. Je savais bien qu'il était là. Voilà, Emmanuel Bernheim, tout s'est bien passé. Et alors, c'est un livre qui parle de la mort, en fait. Et j'ai perdu mon petit frère il y a 4 ans. Et lire un livre sur le deuil, c'est trop dur, tu vois. Donc tu plonges. Donc c'est un livre qui fait bien son taf parce que du coup t'es vraiment confronté à l'accompagnement de voilà, qu'est-ce que c'est que perdre quelqu'un, qu'est-ce que c'est que d'accompagner quelqu'un. Je me souviens plus comment ça se passe, mais en fait voilà, il est malade et puis il va mourir, quoi. Et elle l'accompagne dans ses derniers pas. Et c'est là, pour le coup, c'est un livre qui résonne tellement fort avec des choses que j'ai vécues et qu'on a vécues en famille que je n'y arrive pas. Paradoxalement, j'ai lu La maladie de la mort, je crois que c'est d'Horace. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant, mais parce qu'elle parle surtout de sa mort à elle, de sa peur de la mort à elle. Et je trouve ça moins dur. Voilà. Donc, ça, c'est des livres, celui-là que j'ai, que je vais pas... Je vais pas le... Puis qu'est-ce qu'on ferait d'un livre qu'on veut pas garder, en fait? Il n'y a plus personne qui lit des livres. Déjà, en offrir, on te prend un peu pour... te regarde du genre, pourquoi t'as fait ça? À part les personnes, on a tous des amis qui sont un peu... qui aiment les livres, il y en a quelques-uns, mais... le risque, c'est que la personne, elle l'ait lu, et l'autre risque, bah, c'est que ça l'intéresse pas, ça lui plaise pas. Donc c'est quand même un exercice très très difficile d'offrir des livres. Et donc, je les garde parce que c'est des cadeaux, et puis encore une fois, on sait jamais, un jour, peut se passer quelque chose. Je fais souvent un exercice que j'aime bien, enfin un jeu en fait, avec des amis ou avec ma famille, un jeu d'écriture où on prend plein de livres, on les met au milieu de la table et puis on se donne un chrono, ça va être par exemple 2 minutes, et chacun écrit sur des petits bouts de papier des phrases qu'il va piocher dans les livres. Donc voilà, hop, par hasard, boum, et rapporte-moi des lames de rasoir, merci, je le recopie sur le petit papier, on met ça dans un saladier après, et on pioche des phrases, et puis après on se donne un chrono, 5 minutes, 4 minutes, et on écrit des textes à partir de ça. Donc au pire, ça peut servir pour ça. Au pire. Voilà. Ah, Murakami 1Q84. J'ai beaucoup aimé le début. Le premier. Le deuxième, ça allait, mais ça commençait à sentir mauvais. Et j'ai arrêté de lire le troisième. Parce que l'ambiance était trop malsaine. Enfin, ça me... Mais ça, c'est pareil. J'ai beaucoup écrit. Il y a plein de choses qui m'ont plu et que... Je pense que je le terminerai un jour, mais il y a beaucoup de livres qui ne sont pas terminés dans cette bibliothèque aussi. Raymond Depardon, Errance. Un jour, je reçois par télécopie un étrange texte qui va finir de me rassurer. Il est signé de Monsieur Alexandre Lemonnier. Errance ou la pensée du milieu. L'errance, terme à la fois explicite et vague, est d'ordinaire associé au mouvement, et singulièrement à la marche, à l'idée d'égarement, à la perte de soi-même. Pourtant, le problème principal de l'errance n'est rien d'autre que celui du lieu acceptable. C'était la première fois que je voyais cette définition écrite, c'était enfin les mots que je cherchais. L'errant, en quête du lieu acceptable, se situe dans un espace très particulier, l'espace intermédiaire. à l'espace intermédiaire correspond en fait un temps intermédiaire, une temporalité que l'on pourrait qualifier de flottante. Ce temps flottant est le temps du regard sur l'histoire, où l'errant s'interroge sur le passé en même temps qu'il réfléchit sur son futur proche. L'errant s'efface, devient silencieux. Il se livre à l'expérience du monde. C'est pourquoi il ne peut y avoir d'errance immobile. Les lieux semblent se rassembler de plus en plus. Tout est partout en même temps. La singularité s'efface au profit d'une globalisation, non plus celle des lieux, mais celle de tous les lieux. L'errance est certainement l'histoire d'une totalité recherchée. Le texte continuait. Car l'errance n'est ni le voyage, ni la promenade, etc. Mais bien, qu'est-ce que je fais là? Cette question est essentielle. Photographe, j'ai longtemps voyagé avec l'idée du voyage utile, du photojournalisme avec ses contraintes. J'ai beaucoup appris, je ne renie rien. Il m'a fallu ensuite quelques chocs pour sortir de cette photographie. J'étais capable de photographier de choses terribles, mais j'avais peur de photographier des gens dans la rue, de m'approcher d'eux, des gens sans histoire. Je n'osais pas, je me croyais maladroit, je n'avais pas le réflexe. Ça ne me venait même pas à l'idée de photographier, tout simplement. Pour l'errance, je sais que je vais devoir affronter des petits découragements. Surtout après la sensation désagréable d'avoir raté une photographie. Il faut vite passer à autre chose et oublier l'échec. Il y a aussi les jours sans soleil, les jours gris. Mais là encore, il me faudra sourire et aimer la patience. Et si justement l'errance était tout le contraire de ces prouesses de cadre ou de virtuosité de l'instant, mais une vision plus quotidienne des moments à photographier, plus banale, pourquoi pas avec ses maladresses et ses jours sans chance? C'est sûr que je m'y sentirais mieux. Je vais partir. J'ai encore des lieux à découvrir, j'allais dire à voir, mais non, je n'ai rien à voir, je dois seulement me poser la question. Qu'est-ce que je fous là? J'ai le pressentiment que quelque chose ne sera plus comme avant. C'est peut-être là la vraie définition de l'errance, de sa quête, avec sa solitude et sa peur. C'est le désir que je cherchais, la pureté, la remise en cause, pour aller plus loin, au centre des choses, pour faire le vide autour de moi. Je me dois de me laver la tête, pour rencontrer le centre d'une nouvelle image, ni trop humaine, ni trop contemplative, où le moi est aspiré par les lieux quand le lieu n'est pas spectacle, ni surtout obstacle. Il me faut vivre cette quête qui est la mienne. Elle arrive à un moment, ni bon ni mauvais, elle est nécessaire. Pour être juste, cette errance est forcément initiatique. Mon regard va changer. Cette quête devient la quête du moi acceptable. Alors là-bas, il y a un livre que j'aime vraiment beaucoup, de Manu Larsonnet. C'est « Nombreux sont ceux qui ignorent ». Alors Manu Larsonnet, beaucoup de gens connaissent, je ne sais plus quel livre là, qui est fait là-bas. C'était quoi? Une bande dessinée qui est bien. Blast, je crois que c'est Manu Larsonnet. J'ai bien aimé, mais c'est vraiment sans commune mesure avec ce livre qui est un objet très rigolo. Donc là, je suis en train de te présenter un gros livre qui est fait avec des illustrations donc, de Manu Larsonnet. Les textes sont aussi de Manu Larsonnet. Et en fait, on dirait une sorte d'encyclopédie. Il y a des petits textes, il y a des dessins. Donc ça fonctionne un peu comme une écriture fragmentaire. Et c'est hilarant au possible. On est dans des petits textes. En quelques lignes, on est projeté soit dans des aventures loufoques, on a l'impression d'être dans un article de scientifique ou dans un article de presse. C'est vraiment très très rigolo. Tous les fragments commencent avec la phrase « Nombreux sont ceux qui ignorent ». J'en lis un petit passage. « Nombreux sont ceux qui ignorent que je cultive avec une extrême vigilance un mépris absolu et irrévocable pour la danse contemporaine. En revanche, j'aime beaucoup labourer. » La consonance du mot, sans doute. Voilà, et c'est des jeux de mots, c'est génial. Et à côté, bah, on a des dessins qui parfois mêlent donc de la photographie, du dessin beaucoup plus au stylo. Et voilà, je suis tombée là-dessus par hasard. J'aime bien les gros livres bizarres. Et j'ai trouvé ça excellent. Voilà. J'aime bien les livres, tu sais, comme ça, où tu tombes sur le bouquin et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà.